إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اصطفى الله عز وجل لعباده دينا قويما، ووعد بإظهاره ونصر عباده وزهوق الباطل وأعوانه، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاخرة بالحكم والعظات، مليئة بالمحن والابتلاءات، ولا مناص من علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شدائده. قال زين العابدين رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. والله عز وجل قص في كتابه غزوة سميت سورة باسمها، وأمر المؤمنين أن يتذكروا نعمة الله عليهم فيها في كل حين. قال سبحانه وتعالى في مطلعها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر له يتذكر نعمة الله في تلك الغزوة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل، أي رجع من الغزو أو الحج أو العمر، يبدأ فيكبر ثلاث مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه النعم سنة لكل حاج أو معتمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقي الصفا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رواه مسلم. وكانت تلكم الغزوة غزوة عصيبة مخيفة في ليال شاتية من السنة الخامسة للهجرة. حرض يهود بني النضير في خيبر كفار قريش في مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم النصر والإعانة، فتحزبوا وانضم إليهم غطفان من المشرق. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر خندق حول المدينة، فامتثلوا أمره وحفروا ونقلوا التراب على ظهورهم وهم في حال نصب وبرد وجوع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم دعا للمهاجرين والأنصار بالبركة والمغفرة والصلاح. وكان عليه الصلاة والسلام ينقل معهم التراب، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل تراب الخندق. رواه البخاري. وإذا عرضت للصحابة صخرة شديدة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الخندق ويأخذ المعول فيضربها، وأتم حفره في نصف شهر، وأصاب الناس جوع شديد. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ses serviteurs la meilleure des religions et la plus droite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis que cette religion allait avoir la suprématie et que ses serviteurs allaient connaître la victoire. Allah azawajal a également promis que le faux ainsi que tous les partisans du faux seront amenés à perdre. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pleine de sagesse et de morale. Elle est également pleine d'épreuves et nul ne peut se passer d'apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans les moments difficiles qu'a traversé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zainul Abidin rahimahullah a dit: on nous enseignait les batailles et les excursions militaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même façon qu'on nous enseignait les sourates du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans son noble livre une bataille dont une sourate porte le nom. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les croyants de se rappeler les bienfaits d'Allah azawajal qu'il leur a accordé durant cette bataille et qu'ils se doivent de se le rappeler à chaque instant. Allah azawajal dit dans les débuts de sourate Al-Ahzab: ô vous qui avez cru, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelait ce bienfait d'Allah azawajal envers les croyants pendant cette bataille de l'Ahzab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en rappelait à chacun de ses voyages, pendant chacun de ses voyages. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu m'a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait d'une excursion militaire ou du pèlerinage ou de la Umrah, il commençait par dire trois fois Allahu Akbar. Puis il disait: nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul, sans ne rien lui associer. À lui le royaume et à lui la louange. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. C'est vers lui que nous revenons repentants. C'est vers lui que nous nous repentons. C'est lui que nous adorons. Et c'est pour lui que nous nous prosternons. Et à notre Seigneur la louange. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Allah a tenu sa promesse, a secouru son serviteur et a mis en déroute à lui seul les coalisés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du rappel de ce bienfait d'Allah azawajal sur les croyants lors de la bataille de l'Ahzab. On a fait un rappel perpétuel pour tout pèlerin et tout mu'tamir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il montait sur As-Safa ou Al-Marwa, disait: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul, sans ne rien lui associer. À lui le royaume et à lui la louange, il est capable de toutes choses. Nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul. Il a tenu sa promesse, a secouru son serviteur et a mis en déroute à lui seul les coalisés. Et la bataille de l'Ahzab était une bataille extrêmement difficile et effrayante. Elle a eu lieu en hiver, lors de la cinquième année de l'Hégire. Les Juifs de Banu Nadir, qui se trouvaient à Khaybar, ont motivé les Quraysh qui étaient à la Mecque de combattre et de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Juifs de Banu Nadir ont promis d'aider les polythéistes de Quraysh à arriver à ce but, à savoir de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'ensemble de ses compagnons. Ils ont alors créé une coalition, d'où le fait qu'Allah azawajal les a appelés al-ahzab, les coalisés. Ainsi se sont réunis les polythéistes de Quraysh ainsi que les juifs de Banu Nadir et les ont rejoints la tribu de Ratafan qui se trouvait à l'est de l'Arabie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler de la venue de cette armée, de ces coalisés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de creuser des tranchées autour de Médine. Les musulmans ont mis en application l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont creusé ces tranchées et ont porté la terre sur leur dos. Alors qu'ils étaient en situation de fatigue, alors qu'il faisait froid, et une famine les frappait à ce moment. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu leur situation, il a invoqué Allah azza wa jal en faveur des muhajirin et des ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal afin qu'il mette la bénédiction dans les muhajirin et l'ansar et qu'il leur pardonne et réforme leur situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait lui-même la terre. Comme l'a dit le Bara ibn Azib radiyallahu an, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter la terre qui était retirée des tranchées. Rawahu al-Bukhari. Et lorsqu'un rocher ou une pierre dur s'interposait dans le creusement de ces tranchées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait lui-même, prenait la pioche et frappait cette pierre. Ils ont creusé ces tranchées autour de Médine, ce qui leur a demandé la moitié d'un mois de travail, un demi-mois de travail. Ils étaient frappés à ce moment d'une dure famine. ووصف جابر رضي الله عنه ذلك الحال بقوله عرضت كدية شديدة أي صخرة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال صلى الله عليه وسلم أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر أي من الجوع قال ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذوقا رواه البخاري وذهب جابر رضي الله عنه إلى امرأته فقال رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر أي لم أستطع أن أصبر على ما شاهدته من جوع النبي صلى الله عليه وسلم فذبح جابر رضي الله عنه ذبح شاة وطحن صاعا من شعير ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبسق في البرمة أي القدر الذي فيه اللحم وبسق في العجين فبارك الله في الطعام فأكل منه 1000 رجل قال الراوي فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لا تغط كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو رواه البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بأصحابه كان يكسر لهم الخبز ويجعل عليهم اللحم ويقربه إليهم فلم يزل يكسر الخبز ويغرف لهم حتى شبعوا رواه البخاري وأقبلت الأحزاب من يهود ومشركين من كل صوب وجدب إلى المدينة في 10,000 مقاتل قال سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين والخندق بينهم وبين المشركين وحاصروا المسلمين شهرا ولم يكن بينهم قتال وإنما تراشق بالنبال وقتل في هذا الرمي 3 من المشركين واستشهد 6 من المسلمين منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ومع حصار الأحزاب للمدينة استعان كفار قريش بيهود بن النضير وكانوا في جنوب المدينة الشرقي لإعانتهم على قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنقض يهود يهود بني قريضة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مع الأحزاب على حربه عليه السلام، فضاق الخطب واشتد الحال وظهر الخوف مع الجوع والبرد. قال سبحانه عن وصفهم، أي عن وصف المؤمنين: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وعظم البلاء وظهر النفاق وساءت الظنون. فقال سبحانه: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال حذيفة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يأتيني رجل، ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد من أجل الخوف والجوع والبرد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. رواه مسلم. جابر رضي الله عنه: pour décrire la situation difficile que vivaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette bataille, il dit رضي الله عنه qu'un rocher ou une grosse pierre difficile et dure s'est interposé dans cette tranchée. Ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit: ô envoyé d'Allah, un rocher ou une pierre est apparu dans la tranchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je descends moi-même. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé alors qu'il avait attaché une pierre à son ventre à cause de la faim. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour calmer leur faim, ils attachaient une pierre autour de leur ventre afin de comprimer leur estomac. Et Jabir radiallahu anhu a dit: et nous sommes restés 3 jours sans avoir rien goûté. Rawahu al-Bukhari. Jabir radiallahu anhu est parti chez son épouse et lui a dit: j'ai vu aujourd'hui une situation dans laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour laquelle je ne peux patienter. C'est-à-dire que je ne peux patienter après ce que j'ai vu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme faim. Il a alors sacrifié une brebis et a moulu un sa' d'orge et a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et a craché dans cette marmite, c'est-à-dire dans cette marmite où il y avait la viande qui cuisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a postillonné sur cette pâte. Et Allah azza wa jalla a mis la bénédiction dans cette nourriture. Une nourriture qui a pu rassasier 1000 hommes. Le rapporteur du hadith dit: je jure par Allah qu'ils ont tous mangé et ont tous délaissé et se sont éloignés de ce repas, alors que notre marmite était comme elle était lorsqu'elle a été posée, alors que la pâte avec laquelle nous avons fait le pain était exactement identique au début. Rawahu al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux et miséricordieux envers ses compagnons radiyallahu anhum. Il leur coupait le pain et leur donnait la viande et le rapprochait à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de couper le pain et de distribuer la viande jusqu'à ce que ses compagnons eussent été rassasiés. Les coalisés parmi les juifs et les polythéistes sont alors venus de toutes parts à Médine. Ils étaient au nombre de 10 000 soldats. Allah azza wa jalla dit dans sourate Al-Ahzab le verset 10: quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire de toutes parts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à leur rencontre accompagné de 3 000 soldats. Et il y avait entre l'armée des musulmans et l'armée des polythéistes la tranchée. Les polythéistes ont encerclé les musulmans pendant un mois. Il n'y avait entre eux aucun combat, si ce n'était des échanges de flèches. Et à la suite de ces échanges de flèches, 3 parmi les polythéistes ont été tués. Et 6 parmi les musulmans ont succombé, parmi eux Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu ta'ala an. En plus de cet encerclement de Médine, les polythéistes ont demandé l'aide des juifs de Banu Nadir, qui se situaient au sud-est de Médine, afin de les aider à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs de Banu Qurayda ont rompu le pacte qui les liait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pacte de non-violence. Et ils se sont alliés ou coalisés pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La situation à ce moment-là était extrêmement compliquée et devenue extrêmement difficile, comme Allah Azza wa Jal a dit, et que les regards étaient troublés et les cœurs et remonté à la gorge. Allah Azza wa Jal a dit ensuite: Hunalika btuliya al-mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Hudayfa radiyallahu anhu a dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Un homme peut-il nous apporter des informations concernant ce peuple, c'est-à-dire cet ennemi, afin et qu'il soit en ma compagnie le jour du jugement. Hudayfa radiyallahu anhu a dit: Nous nous sommes tus. Et personne n'a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois a dit: Un homme peut-il nous apporter des informations concernant l'ennemi, et il sera avec moi le jour du jugement. Ils se sont tus. Personne n'a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une troisième fois: Un homme peut-il nous apporter des informations concernant l'ennemi, et il sera avec moi le jour du jugement. Hudayfa radiyallahu anhu a dit: Nous nous sommes tus. Personne d'entre nous ne lui a répondu à cause de la peur, de la faim et du froid. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Lève-toi, ô Hudayfa, et apporte-nous des informations de ce peuple. Et Hudayfa radiyallahu anhu a dit: Je n'ai trouvé de force pour me lever que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité mon nom. Rawahu Muslim. وانقطعت الأسباب الظاهرة للنصر فلا عدد ولا عدة والعدو بقدر المسلمين مرات متعددة ومحيط بهم من كل جانب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تحزب على المسلمين عامة المشركين الذين حولهم وجاءوا بمجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين وكان عدوا شديد العداوة لو تمكن من المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر الصحابة ويبشرهم ويعدهم بنصر الله فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فثبت الصحابة رضي الله عنهم والثبات نصر وتوكلوا على الله وأحسنوا الظن به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: غزوة الأحزاب نصر الله فيه عبده وأعز فيها جنده المؤمنين بغير قتال بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. À ce moment, toutes les causes de la victoire étaient dépourvues. Il n'y avait pas assez de nombre, il n'y avait pas assez de force. Et l'ennemi en face était beaucoup plus nombreux que les musulmans. Un ennemi qui les a encerclés de toutes parts. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que les coalisés se sont réunis et que la plupart des polythéistes qui étaient autour de Médine se sont associés aux polythéistes de Quraysh pour combattre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait patienter ses compagnons. Il leur annonçait la bonne nouvelle de la victoire d'Allah azawajal. Et ses compagnons radiyallahu anhum disaient, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Ainsi, les compagnons radiyallahu anhum sont restés fermes. Et ils sont restés fermes. Et la fermeté est une victoire. Ils ont placé leur confiance en Allah et ont eu le bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa la ja' an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila rabbih وتدرع إليه متوسلا بعلوه تعالى وقدرته المتضمنة للنصر. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. متفق عليه. ومن فجرت الكروب إلا بالتوحيد ومن فرجت الكروب إلا بالتوحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر حال حصارهم من كلمة التوحيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. رواه البخاري. فألقى الله الرعب في قلوب المشركين وأنزل نصره وخالف بين كلمة قريش واليهود بتخذيل نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه بينهم، وعادوا حانقين على بعضهم مضمرين الكيد بينهم بعد أن كانوا متحزبين ضد المسلمين. ثم عذبهم الله بريح شديدة باردة فلم يقر لهم قرار ولم توقد لهم نار، وأنزل الله ملائكة فيهم جبريل عليه السلام أفزعتهم وقطعت قلوبهم. قال سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فتفرقوا عن المدينة وهم بشر خيبة وخسران. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وقال عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. رواه البخاري. فكانت آخر غزوة يقبل فيها المشركون على ديار المسلمين، وأنزل الله في شأن هذه الغزوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est alors tourné vers son Seigneur et s'est humilié devant lui subhanahu wa ta'ala et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par sa grandeur et par sa puissance par laquelle vient la victoire. Abdullah ibn Abi Auf a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre les coalisés et a dit: ô Allah, toi qui as fait descendre le livre, toi qui juges rapidement, mets en déroute les coalisés. Ô Allah, mets-les en déroute et fais-les trembler. Muttafaqun alayhi. Et les situations difficiles ne trouvent de dénouement qu'à travers le tawhid, qu'à travers l'unicité d'Allah azawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que les polythéistes et les coalisés avaient encerclé la ville de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme le rapporte Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: nul ne mérite d'être adoré qu'Allah seul. C'est lui qui a donné la puissance à son armée, qui a donné la victoire à son serviteur, qui a eu le dessus sur les coalisés seuls, et rien ne vient après lui, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a infligé la crainte et la peur dans le cœur des polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les polythéistes de Quraysh ainsi que les juifs de Banu Nadir, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'ils se soient divisés et séparés grâce à la ruse de Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu an. Et la ruse de Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu an, de façon très brève, il est parti vers les juifs et leur a dit que Quraysh viennent de la Mecque. Ils ont à la Mecque tout ce dont ils ont besoin. Ils ont là-bas leurs biens, leur maison et leur famille. Ils viennent ici, et s'ils prennent, et s'ils sont victorieux sur Mohammed, nul doute qu'ils voudront prendre le contrôle sur Médine. Vous, les juifs de Banu Nadir, vous habitez à Médine. C'est ici que sont vos demeures, c'est ici que sont vos biens. Demandez-leur, avant d'attaquer Mohammed, demandez-leur de vous donner une caution. Et Nu'aym, radiyallahu an, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant cela et a dit, ô envoyé d'Allah, mon peuple ne sait pas, n'est pas au courant de ma conversion. Que me demandes-tu de faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de ruser, car la ruse fait partie de la guerre. Puis Nu'aym est parti chez les Quraysh et leur a dit que les juifs qui vous avaient promis de vous soutenir et de combattre à vos côtés, en réalité, sont revenus sur leurs paroles. Et ils vont vous demander une garantie pour qu'ils puissent la donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam en échange de la trahison de leur pacte. S'ils vous demandent un dépôt de garantie, ne leur donnez pas. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu entre Quraysh et les juifs de Banu Nadir, et ainsi ils se sont divisés et la zizanie est apparue entre eux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un vent extrêmement fort et extrêmement froid qui n'a pas permis aux coalisés de rester sur place, de même que ce vent violent et froid ne leur a pas permis d'allumer quelconque feu. Et Allah Azza wa Jalla a fait descendre ses anges, parmi eux Jibril alayhi salam, qui a semé la crainte dans le cœur des polythéistes. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons envoyé contre eux un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Ainsi ils se sont éloignés et sont partis de Médine, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit. Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Et Allah Azza wa Jalla, dans cette même sourate, Al-Ahzab, a dit, vous avez certes dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples, pour celui qui espère Allah et le jour dernier et se rappelle beaucoup Allah. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, les gens, il leur a été demandé et ordonné de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Ahzab. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de patience, a fait en sorte que ses compagnons patientent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de beaucoup de courage en attendant le dénouement de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.